Il n'y a que toi et moi, deux oiseaux mouillés au passage protégé. Il n'y a que toi et moi, deux oiseaux mouillés qui n'osent plus bouger. Il y a ce train qui va tourner vers d'autres contrées, vers d'autres avancées. Il n'y a que nous ensemble dans ce monde oublié. Il n'y a que nous ensemble et cette scène de nous sommes de nous, nous sommes de nous, nous sommes. Bien réveillé, il y a cet ascenseur.